schermita ti serro palpitante sei mia sì per l'amore vieni vieni via dall'anima in vena dall'angoscia paurosa e la 感受音乐与歌声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道有线调频98.6兆赫歌舞剧场，每天10点22点播出。 欢迎继续收听歌舞剧场，在接下来的节目当中继续为您带来的是女高音歌唱家玛利亚·卡拉斯演唱的著名歌剧选段，曲目有比才的歌剧《卡门》当中的《哈巴尼拉》，圣桑的歌剧《参孙与达利拉》当中的《轻轻唤醒我的心》，贝里尼的歌剧《诺尔玛》当中的《圣洁女神》等，下面请连续欣赏。 Je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi. l'étreinte des six scrutins avec un éclat métallique, et sur cette étrange musique, les dingueries la se levaient. Tambour de basse calait le train, et les guitares forcenées, grincées sous des mains obstinées, et mes chansons, et mes refrains, mes chansons, Ardentes voleuses en pierre brille, et les suicides.